ザ・バラシ・ジュール・ウー・ウー・シン・シン・シン・シン・オッケー・ハー・ザ・バラシ・ジュール・ウー・キス・チュ・バー・アキ・チュ・バー・キス・チュ・バー・ポカ・チュ・バー・キス・チュ・バー・アキ・チュ・バー・キス・チュ・バー・ポカ・チュ・バー・キス・チュ・バー・アキ・チュ・バー・キス・チュ・バー・ポカ・チュ・バー・キス・チュ・バー・アキ・チュ・バー・キス・チュ・バー・ポカ・チュ・バー・J'aime pas les gars qui racontent des trucs dans le dos des gens pendant que tu travailles. J'aime pas les gars qui racontent des ragots de bas étage. J'aime pas les gars qui parlent dans le dos. J'aime pas les gars qui racontent des ragots toute la journée. Toute la journée. J'aime vraiment pas, j'ai grimpe trop pas. Les gars qui font la bise de Judas à Jésus, pourquoi ils soucent le patron? J'aime pas les gars qui parlent tout le temps. Les gars qui parlent tout le temps, tout le temps. Qui racontent toujours des trucs qui sont vraiment très chiants. Qu'est-ce que tu parles? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Mais pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Mais pourquoi tu parles? J'aime pas les gars qui sourient tout le temps parce qu'en fait ils font semblant. Les soirées ils font des rapports au boss pour s'acheter le nouveau Hugo Boss. Sache que les murs ont des oreilles. Fais bélec pendant ton sommeil. Ne parle pas à n'importe qui. Tu sais pas qui est qui. Ne confie jamais ton secret. Il sera révélé. On ne peut pas avoir confiance en cette société. J'aime pas les gars qui parlent tout le temps. Qui parlent dans le dos des gens. J'aime pas moi. J'aime pas papa, j'aime pas papa, papa, papa. Qu'est-ce que tu parles? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Mais pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Mais pourquoi tu parles?